Bien, au cours des deux communications qui ont précédé, la focale a été mise sur les grandes villes et l'évolution avec leurs fortifications de l'époque médiévale à l'époque moderne. Mais il ne faudrait pas oublier que le réseau urbain et le problème des fortifications au Moyen-Âge et à l'époque moderne ne se réduit pas aux grandes villes, aux cités, mais qu'elle inclut un grand nombre de petites villes. On a appelé autrefois le second réseau urbain pour le distinguer du premier réseau urbain de l'époque gallo-romaine. Et sur ces problèmes de petites villes, la terminologie peut varier, ou de bourgs, généralement associés aux châteaux, qui sont à l'origine de la plupart de nos petites villes actuelles, s'est déroulé toute une série de phénomènes, de rapports entre l'activité défensive et l'activité résidentielle. Ce problème des bourgs, bourgs castraux généralisés, en général, est abordé aujourd'hui par Jean-Denis Lafitte, qui est archéologue et ingénieur de recherche à l'INRAP. Il conduit depuis de longues années des travaux d'archéologie préventive en Lorraine, qui l'ont conduit à apporter de précieuses contributions dans le domaine de la castellologie au sens large. Certains de ces travaux ont porté sur des villes fortifiées, notamment dans le cadre d'un PCR publié en 2008 et qui s'intitulait « Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en Lorraine et en Alsace, 11e-15e siècle ». D'autres de ces travaux ont porté en particulier sur le château des évêques de Metz et ses abords dans la petite ville de Vic-sur-Seille. Depuis 2012, il dirige la fouille d'une partie du site castral de Rodemack, site médiéval, mais occupé jusqu'au début du XIXe siècle et dépecé, il nous le redira, entre 1815 et 1860. Son travail montre l'évolution, comment a évolué l'architecture défensive entre le XVe et le XVIIe siècle, mais aussi la vie de la garnison. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le remercier une nouvelle fois d'avoir pu et voulu accueillir des étudiants d'archéologie de l'Université de Lorraine et de les avoir initiés à l'étude de certaines collections issues de cette belle fouille castrale. Donc, je vais lui laisser la parole sans plus la monopoliser. Merci, monsieur Juato. C'est ouvert, là, vous m'entendez? Oui, ok. Donc voilà, oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter un sujet qui concerne donc un bourg castral, qui est vraiment le type même du bourg castral, c'est la petite localité de Rodemack. Aujourd'hui, elle compte à peu près 1100 habitants. Donc ce n'est pas une ville en tant que telle, c'est un bourg rural. Donc on va voir un peu son histoire au cours de la période moderne, au cours de la période médiévale. C'est une forteresse à l'origine luxembourgeoise qui a été intégrée au XVIIe siècle par les troupes de Louis XIV et par la recherche d'expansionnisme des rois français. Voilà. Situer géographiquement le site. Le site est localisé au pied de la côte d'Étanges. C'est au nord de Thionville. Hein, voilà, vous avez vu sur la carte avant. On est sur la rive gauche de la Moselle, à quelques kilomètres. Voilà. Le site est occupé déjà. On a trouvé des traces dans la fouille du château, des traces d'occupation antique bien prononcées. Il y a certainement un habitat gallo-romain qui est installé à même l'emplacement du château. Donc, vous voyez une voie romaine qui est encore visible dans le paysage et sur les cartes. C'est la grande voie de Metz à Trèves, rive gauche, qui passe dans le secteur là. Voilà. Donc. Les archives médiévales les plus anciennes remontent en 893. La localité est mentionnée à ce moment-là. C'est une possession de l'abbaye d'Echternach. Ensuite, la paroisse est attestée également en 915. Et les seigneurs de Ronmac proprement dit, donc pendant la période féodale, sont attestés en 1190. Les vestiges les plus anciens qu'on a trouvés du Moyen-Âge concernent effectivement la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Donc on est vraiment au début de la période des seigneurs de Ronmac. C'est un territoire assez grand, de presque 1000 hectares. Pour replacer dans le contexte historique le bourg de Ronmac, donc c'est une forteresse sentinelle de second rang qui se trouve entre la capitale Luxembourg, capitale du Luxembourg, du comté puis duché de Luxembourg, et une capitale secondaire qui est donc Thionville. Donc la Thionville, on est à 12 km de Thionville, 17 km de Luxembourg, 12 km de Rémiche, c'est une autre ville luxembourgeoise qui est là, que je n'ai pas mise sur la carte, 10 km de Sierck, qui était des ducs de Lorraine depuis très fort longtemps, depuis la période féodale. Une quarantaine de kilomètres d'Echternac, qui se situe dans le secteur ici. Donc c'est l'abbaye d'Echternac, qui avait une possession du banc de Ronmac avant les seigneurs de Ronmac, avant les seigneurs de la fin du XIIe, début du XIIIe. Les seigneurs de Ronmac ont pris les possessions de cette abbaye sur le secteur de Ronmac. On est également à 42 km de Trèves. Replacé dans le contexte du XVIe, XVIIe siècle, donc là j'ai reproduit une carte du Luxembourg, comté de Chigny, duché de Luxembourg. Les possessions de Ronmac sont très importantes à l'époque. Les seigneurs de Ronmac, durant tout le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, ont acquis de nombreuses seigneuries, car ils étaient soit gouverneurs, soit compagnons dans les guerres des comtes et des ducs de Luxembourg. Donc leur richesse est très importante. On a donc des possessions Usseldange ici, voilà. Pierrepont, donc des possessions très éloignées jusqu'en Allemagne, Neuerbourg. Et puis donc on a un noyau dur autour de Ronmac avec Esperange à proximité de Luxembourg. Et également sur la vallée de la Moselle, on va voir ça de plus près. Voilà. Donc on a le secteur de Richemont qui a été donc acquis par les Ronmac aussi très tôt durant le Moyen-Âge pour contrôler un peu le trafic sur la Moselle également et également les mines de fer et les forges du secteur de Richemont-Florange, Fontoy également. Donc ça donne par mariage aussi, ils acquièrent Boulay un certain temps durant le XVe siècle. Donc une politique féodale expansionniste de ces seigneurs, dont vous avez les blasons ici. Plus près, donc on voit au XVIe siècle, c'est encore une grande seigneurie de plus d'une vingtaine de villages. Et on est vraiment résolument tourné vers le Luxembourg. C'est un secteur très fertile qui est connu sous le nom du grenier de Luxembourg, c'est-à-dire que les secteurs entre Sierck et Ronmac, ici, Cattenom, produisaient beaucoup de blé et fournissaient quasiment l'essentiel du blé à la ville de Luxembourg. Donc c'était économiquement une terre importante. Ici, sur une carte du XVIe siècle, ça s'écrivait encore Rodemacheren, voilà. Et donc, on a ce bourg ici, on a la capitale Luxembourg, on a Thionville, Metz. Donc, là, le nord est orienté à droite sur les anciennes cartes. Et donc, Ronmac est cité comme étant au nombre des 20 villes murées du duché de Luxembourg et comme une bonne villette avec un château raisonnable. Donc, c'est une fortification déjà bien implantée et reconnue comme une forteresse importante. Alors aujourd'hui, dans le paysage, Ronmac apparaît sous la forme d'un bourg où les forteresses sont encore bien visibles. Alors elles sont encore bien visibles parce qu'elles ont été reprises, c'est des fortifications médiévales à l'origine, mais elles ont été reprises au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Il n'y a que les bases des murailles qui sont médiévales. Souvent, elles ont été détruites et remontées plusieurs fois. Vous allez voir toute l'histoire mouvementée qu'a connue ce bourg et qui en fait a entraîné sa non-évolution en tant que ville plus importante. Donc on a ce qu'on appelle le burge. Au Luxembourg, les burges, ce sont les forteresses, les châteaux, qui est devenu ensuite une petite citadelle. C'est le terme qui a été donné au château, à la forteresse, au XVIIIe siècle. Mais en fait, ça ne correspond pas vraiment à une citadelle, à part que la citadelle surveille le bourg et la ville. C'est tout ce qu'on lui trouve. Il n'y a pas d'éléments bastionnés aussi importants que, par exemple, Thionville, Marsal, enfin des villes Moyen-Vic, Nancy, etc., où il y a des vrais bastions. Donc ensuite, on a le bourg au pied qui s'est développé le long du ruisseau de Folbart. Donc vu dans le paysage, la forteresse domine le bourg. Sur les photographies aériennes, le parcellaire historique est encore bien préservé, bien visible, malgré les extensions du XXe siècle, puisque l'habitat du bourg paraît assez figé dans ses structures anciennes. Par contre, bon, l'habitat se développe plus à l'extérieur pour des questions de facilité. Donc la forteresse militaire est perchée sur son rebord de plateau et forme un ensemble cohérent qui est intimement lié au bourg établi à ses pieds et à son ensemble de type urbain établi vers la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. L'espace intramuros d'environ 7 hectares contient l'habitat d'origine médiévale, les places, les jardins de proximité, la paroisse, c'est l'église Saint-Nicolas, il y a beaucoup d'églises Saint-Nicolas au Luxembourg, répartie spatialement en plusieurs quartiers axés sur deux portes. Donc il y a la porte à l'ouest qui est la porte du Luxembourg et de Thionville et la porte de Sierque qui est ici, donc qui donne sur la vallée de la Moselle et vers le duché de Lorraine et vers Trèves. Alors on revient à l'histoire un peu pour essayer de comprendre l'évolution de ce bourg. Plusieurs événements au XVe siècle ont certainement modifié le paysage urbain du bourg. Donc il y a eu des événements comme ça qu'on retrouve dans les archives. En juillet 1430, par exemple, le bourg de Rodemack fut brûlé par les Messins pour punir le seigneur du lieu, Jean III de Rodemack, de s'être ligué contre leur cité avec le duc de Lorraine et le comte de Bar. Donc c'est pareil, on en revient à ce que disait la personne qui a parlé de Strasbourg et de Metz précédemment. Ce sont des raids militaires et on brûle les bourgs et les villages en représailles. On pille les troupeaux et les récoltes. Autre événement, en juillet 1483, donc là c'est un événement beaucoup plus grave parce qu'il met en question la souveraineté des seigneurs de Rodemack et leur continuité dans le temps. Ils vont disparaître à ce moment-là. En 1483, luxembourgeois, messins, barois et lorrains rasèrent les châteaux de Rodemack, d'Espérange et d'Ornel près de Richemont, après les avoir assiégés. Donc ça, on retrouve dans les chroniques messines de Philippe de Vigneul. Donc Gérard III, seigneur de Rodemack, qui était un lignage luxembourgeois depuis la fin du XIIe siècle, est déclaré félon et déchu de ses seigneuries et de ses droits sur les terres luxembourgeoises par Maximilien Ier d'Autriche. Donc là, on passe vraiment à une période où le Rodemack médiéval va disparaître quasiment physiquement, mais il va être très vite rebâti. On s'interroge aussi sur la démographie du XVIe siècle. Par le dénombrement des feux du duché de Luxembourg et du comté de Chigny, au XVe siècle, on a plusieurs, et au XVIe siècle, on a plusieurs archives luxembourgeoises et belges qui nous informent sur la démographie de l'époque. La ville du Luxembourg, on décompte 300 feux en 1473 pour toute la ville. Donc ce sont des petites villes. La seigneurie de Rodemack entière, avec sa vingtaine de villages, ça représentait 185 feux. Rodemack ne représentait que 30 à 40 feux. En 1528, au XVIe siècle, la ville du Luxembourg avait déjà 400 ménages ou feux. La seigneurie, 398. Donc il y avait une croissance au XVIe siècle, une reprise de la population en Lorraine, au Luxembourg. Il y a eu un pic démographique à ce moment-là, malgré les conflits militaires. Et Rodemack représentait encore que 33 feux à l'époque, en 1533. La ville de Thionville, 260 ménages, 225 pour la ville d'Arlon, qui était une ville luxembourgeoise. Et la démographie a été en recul au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc il y a eu les gros épisodes de la guerre de 30 ans, première moitié du XVIIe siècle. les guerres luxembourgeoises qui ont ravagé le pays, le Palatinat, le Luxembourg, la Lorraine, etc. Donc on en arrive à la fin du 18e, en 1793, il y avait 862 habitants à Ronnemack, alors que Thionville, il y avait 5000 habitants, Sierck, plus de 1000 habitants, Cattenom, qui est un petit bourg rural, en fait, avait autant de monde que Ronnemack. En 1806, Ronnemack a perdu les habitants, vous voyez les chiffres. Thionville aussi, parce que bon, il y a eu des périodes de siège liées aux guerres révolutionnaires. Sierck a par contre récupéré des habitants et Cattenom a subi également une hausse démographique. Donc c'est un bourg castral qui n'atteint jamais démographiquement le statut de ville comme d'autres localités. Alors les faits militaires qui se sont passés au XVIe, XVIIe siècle sont très nombreux et ont eu un effet négatif sur la place forte stratégique placée entre deux belligérants durant plus de trois siècles. En effet, on dénombre plus de 14 sièges et combats qui concernent Ronnemack en 300 ans, avec 20 périodes de guerre durant cette période. Alors le cadre politique, je vous le rappelle, ce sont les guerres d'expansionnisme des rois de France menées sur les frontières du Nord et de l'Est, depuis quasiment François Ier jusqu'à Louis XIV. Durant le XVIe siècle, on dénombre trois sièges avec cinq périodes de guerre. Il y a déjà, dès 1514, une tentative de prise de force de Thionville et de Ronnemack par Robert de Lamarque, qui était le duc de Bouillon, seigneur de Sedan, qui était un très, très puissant seigneur guerroyer pour le roi de France Louis XII. Ensuite, en 1542-1543, François de Lorraine-Guise occupe Ronnemack et une partie du Luxembourg pour le roi de France, François Ier. Et ensuite, la place forte est restituée un an après. En 1552, bon, c'est les épisodes autour de Metz avec Charles Quint et Henri II. On a l'amiral de Coligny qui prend et le duc de Guise qui prennent Ronnemack en même temps que Metz pour le roi Henri II. 1558-1559, on a de nouveau une prise de Thionville par le duc de Guise et le maréchal de Vieilleville qui est rendu en 1559. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu d'échecs, si vous voulez, et de stratégie politique à l'époque. On prend des villes et on les rend par des stratégies diplomatiques par la suite. La fin du XVIe siècle, Ronnemack subit également les effets des troubles militaires liés au passage des troupes espagnoles, des troupes protestantes dans le secteur de l'Allemagne, du Pays-Bas et de l'Espagne. Donc toutes ces troupes traversent le pays. À chaque fois, ben, le bourg castral est rançonné ou alors les garnisons sont mises à mal par les troupes importantes qui traversent le pays. Au XVIIe siècle, c'est là le summum des sièges et des combats qui vont réellement ruiner le bourg antérieur. Donc là, on a 9 sièges, une douzaine de périodes de guerre. Donc là, il y a toute une liste qui est un peu longue à lire. Je vais résumer. Donc il y a surtout les premières invasions des Suédois dans les années 1630-1633 qui ravagent le nord de la Lorraine, le Luxembourg. Ensuite, on a l'intervention des Croates qui s'installent dans toutes les forteresses, toutes les abbayes, tous les sites un peu importants du secteur de la Lorraine du Nord et de la Moselle. Le maréchal de Châtillon mène une campagne pour le roi de France également contre le Luxembourg espagnol en 1637. Et en 1639, le gouverneur français de Verdun, pour préparer le siège de Thionville, prend Ronnemack en forteresse d'appui, voilà, pour installer ses troupes de siège. Ensuite, il y a toute une liste de combats franco-espagnols pour prendre Thionville. Donc là, à chaque fois, Ronnemack, qui est le satellite de Thionville, subit les défaites, les reprises des Espagnols, de nouveau les défaites. On a toute une liste comme ça, où les places se sont reprises par les Espagnols et reprises par les Français pendant plus d'une dizaine d'années. Et enfin, les troupes royales françaises de Louis XIV s'emparent à nouveau de Ronnemack et de ses 20 villages en 1678, et la remise en état des défenses est organisée par le génie militaire. Les travaux de fortification et de réarmement de la nouvelle citadelle sont entrepris, avec la création de bâtiments militaires, de poudrières, de casernements à la Vauban, pour une garnison permanente, secondant au nord la place forte de Thionville. Et cette place forte de Rodemack va servir de point d'appui pour attaquer ensuite la ville de Luxembourg. Dans les années 1683-1684, Louis XIV amasse d'énormes troupes à Thionville, Metz, Verdun, enfin toutes les places du nord de la Lorraine, et donc s'attaque à la prise de Luxembourg avec Vauban. Et il s'ensuit une occupation française durable. Par les traités, on doit rendre certaines villes. Il abandonne Luxembourg, qu'il avait quand même conquis avec une lutte importante. Il doit rendre également Rodemack, mais bizarrement, les Français restent sur Rodemack et ne rendent pas aux Luxembourgeois et aux Espagnols les forteresses de Rodemack. Le XVIIIe siècle est plus calme, mais on a quand même deux périodes de guerre pendant au début du XVIIIe siècle, avec la guerre de succession d'Espagne. Il y a des grosses troupes qui viennent pour essayer de combattre la France au nord de Sierck, dans le secteur de Manderen, autour de Trèves, avec le maréchal de Villars, mais les combats n'ont pas lieu et les Anglais, les Impériaux et les Hollandais repartent sur la Hollande pour combattre les Français plus au nord. Et donc, Rodemack reste finalement française, et donc elle devient une citadelle secondaire on a des traces de travaux importants à la citadelle réguliers. Dernier combat, c'est un des derniers combats, c'est en 1792, la déclaration de guerre à l'Autriche par la République française. Et le siège des troupes, immédiatement, donc on a un siège de troupes prussiennes et autrichiennes qui détruisent les portes et une partie des fortifications. Mais la citadelle est reprise. Mais elle est considérée comme une ruine parce que les combats ont été importants. Et elle est déclassée. Par contre, à la période napoléonienne, l'armée cherche à se débarrasser de Rodemack. On conserve seulement que les grosses places fortes, comme Thionville et bien entendu Metz. Hein. On met tout l'argent dans ces grosses places fortes et on laisse tomber des petites places fortes secondaires. Mais pendant la période des 100 jours, et puis la période de la fin de la période napoléonienne, l'État rachète et réarme la citadelle juste pour un temps, pour essayer de contenir les Prussiens. Et c'est le dernier siège qui a lieu au mois de juillet et août de 1815, où la citadelle a subi les derniers combats. Donc voici cette citadelle, qui est en fait une forteresse plutôt qu'une citadelle. Donc on a le château médiéval ici qui est conservé dans son fossé qui n'a pas été comblé aux périodes modernes. Il est conservé comme un dernier retranchement. Ensuite, on a les anciennes basses-cours qui ont servi de casernement plus tard. On a ici un bastion qui est important, qui est peut-être une ancienne motte féodale, qui a été transformée en bastion d'artillerie dès le XVIe siècle, réaménagée en bastion d'artillerie plus important encore au XVIIe siècle. Ensuite, on a des aménagements, le fossé qui barre le site de falaise du plateau. C'est un grand fossé vallon qui vient barrer. Et il a été réélargi au XVIe, puis au XVIIe siècle. Il a servi de carrière pour fournir la pierre des remparts. Ensuite, on a des aménagements avec des petits talus de terre qui protègent les remparts, qui font penser à des aménagements de remparage style Vauban, mais c'est très limité. Donc voilà la porte basse du château qui vous donne un peu l'état actuel des ruines qui en fait sont restaurées aujourd'hui en partie par les monuments historiques depuis 2012. Donc sous les fortifications 16e, 17e, on a retrouvé les vestiges du 14e, 15e siècle. Donc la trace du château médiéval existe bien, mais elles sont enfouies. Donc il faut l'archéologie pour les retrouver. Donc voici un schéma synthétique des fouilles qui ont été organisées en 2012, 2013, 2014 par l'INRAP. Donc on a pu sonder et fouiller de grands espaces sur la basse-cour et sur le château médiéval et une partie des bastions d'artillerie, surtout sur la porte basse qui a été la plus grande fouille du secteur. Et donc vous voyez qu'il y a plusieurs périodes qu'on a pu phaser sur ce plan. Alors l'espace castral proprement dit se compose du château médiéval, d'une basse-cour, d'une cour basse, de l'entrée côté bourg, et puis d'une motte qui a accueilli le pâté d'artillerie du XVIe, XVIIe siècle. La superficie de la forteresse atteint 1,5 hectare. Avec les fossés, ça fait à peu près 3 hectares. Donc c'est un grand ensemble qui marque le paysage et qui s'impose à la vision quand on arrive à Rodemack. Le tout est isolé, est cerné isolé du plateau par un grand fossé vallon qui fait 250 mètres de long, presque 290 à l'origine. Alors il faisait à peu près 20 mètres de large et il a été élargi à 30 mètres, il y a certains secteurs 35 mètres. Au XVIe siècle, c'est Christophe Ier de Bade qui a récupéré la seigneurie des Rodemack, qui a donc participé au relèvement des fortifications avec son successeur Bernard IV jusqu'en 1536. Là, je m'inspire de l'étude des monuments historiques réalisée par M. Corvisier en 2010 pour la restauration des monuments historiques. Et donc, ce sont ces seigneurs de Bade qui ont fait de la forteresse du château médiéval une véritable forteresse résistante à l'artillerie et dotée d'une puissance de feu importante, à l'image, par exemple, de la forteresse de Sedan. Les spécialistes placent la création de ces ouvrages de défense au XVIe siècle durant la décennie 1510-1530, comme les aménagements du grand boulevard d'artillerie nord, dit le pâté, ou les renforcements de défense de la cour de l'entrée basse du château donnant sur le bourg. Donc, c'est-à-dire, le pâté d'artillerie, c'est ici. Ils construisent également un redan qui barre le grand fossé pour protéger le fond des fossés. Et puis, donc, on améliore par des murs d'enceinte supplémentaires l'entrée du château dans la partie basse. Aussi une vue photo aérienne par drone qu'on a pu faire en 2014, qui vous donne un peu l'impact des fouilles qu'on a réalisées sur le site. Et puis les parties restaurées de la forteresse apparaissent en ces murs en clair. Et on voit le château qui donc est cerné carrément par le bourg qui vient se caler au pied de ces murailles. Donc là, je vous résume rapidement les découvertes qui ont été faites sur la citadelle. Après, je passerai au bourg. Donc en vert ici, j'ai restitué les parties du XVIe siècle. Donc c'est un château déjà très important. Hein. On a une partie basse-cour avec des bâtiments beaucoup plus importants que ceux du Moyen-Âge. On a la construction de bâtiments importants. Donc là, je zoome. Par exemple, on a la cour haute avec des écuries qui ont été refaites à cette époque-là. Tous les corps de château, le château 15e siècle se trouvait ici, sous l'écurie. Ensuite, on reconstruit des corps d'habitat résidentiels sur cette partie et ici de la cour haute. Les ponts-levis sont notamment refaits complètement. On a des redans d'artillerie qui sont typiques du XVIe siècle, des bastions avec des casemates également. Et ici, une grange seigneuriale qui existait certainement déjà au XVe siècle, mais qui est restaurée au XVIe siècle. Donc une vue de la fouille. Ici, on a les remparts du XVIe siècle, la base des remparts qui ont été arasés au XVIIe siècle pour construire les casernes Louis XIV. Le long du rempart, on avait déjà des casernements et certainement des arsenaux qui étaient nécessaires à l'alimentation des bastions d'artillerie. Et on avait également un atelier métallurgique du XVIe siècle qui pouvait fondre des boulets en bronze et peut-être également des petites arquebuses en bronze. On a retrouvé les fragments de moules. Ici, le château du deuxième moitié du XVIe siècle qui a été construit pour le seigneur de Rodemack. Il a été détruit en 1811, ce château. Au XVIIe siècle, donc, la forteresse devient française. Et donc, Louis XIV transforme complètement le château ancien en pavillon d'officier. Le gouverneur reprend le château résidentiel. Puis, les communs sont retransformés en pavillon d'officier avec les écuries. Les poudrières sont installées. Les magasins d'artillerie sont réinstallés aussi dans le cœur du château. Et une grande caserne est installée sur le côté de la basse-cour, reprenant les anciennes fondations de la citadelle XVIe siècle. Donc ici, on a l'exemple typique du rempart XVIe qui avait un fruit très important. Et il est doublé par un rempart XVIIe. On met de la terre entre les deux ensuite pour protéger, pour renforcer les fortifications qui étaient déjà très importantes. Donc on a le grand corps de caserne Louis XIV. Tout ça, ça date de 1674. Les logements, etc., etc. Donc on peut installer une garnison très puissante. Déjà, on a des plans aux archives des Invalides de l'armée, où on a ces casernes, plusieurs étages. On en a retrouvé les fondations. Donc 75 mètres de long, 9 mètres de large, 12 chambres au rez-de-chaussée, 12 au premier niveau et des combles aménagés. Voilà, donc ce sont des aménagements qu'on peut retrouver aussi un peu à Marsal. Ce sont des chambrées où il y a le chauffage à l'intérieur. Donc voilà une vue des fondations des casernes, construites en 1679-1680. Je passe très rapidement sur ces choses-là. Donc sous l'époque de Louis XV, au XVIIIe siècle, on reprend une petite remilitarisation de la citadelle. On refait les appartements, on refait des corps de garde, tout ce qui est en violet. On rajoute une chapelle, une chapelle Saint-Louis, parce que l'église paroissiale ne suffisait pas à accueillir et les militaires en garnison et les habitants de Ronmac. Car au cours du XVIIIe siècle, il y avait eu quand même une petite croissance démographique par rapport au XVIIe. Et donc on reconstruit une nouvelle caserne Louis XV en doublement de la caserne Louis XIV. Voilà ces éléments. On en revient au bourg. Et on en revient à la période médiévale pour réexpliquer un petit peu l'origine de l'enceinte urbaine de Ronmac. Donc Ronmac a profité de l'essor urbain au XIIIe siècle du Luxembourg, mais il se développe réellement qu'à la première moitié du XIVe siècle comme Cattenom et Rémich. Ce sont les historiens qui nous le disent. On note une franchise urbaine dans les archives également avant 1430, un marché annuel attesté en 1469. Donc tout ça, ce sont des éléments qui laissent penser quand même à ce qu'on a affaire à une ville, une réelle petite ville. Les fortifications urbaines du XIIIe siècle sont incertaines. Elles ont pu exister, mais on n'en a pas la trace. Au XIVe siècle, elles sont très probables sous Gilles III, Jean Ier et Gilles IV de Rodemachern, puissants seigneurs féodaux proches des comtes de Luxembourg qui ont dû doter la forteresse et le bourg de défenses importantes. Elles sont certainement renforcées au XVe siècle, à l'époque bourguignonne. Elles sont détruites malheureusement en 1483, on l'a vu, lors de l'élimination de Gérard III de Ronmac par les Messins, les Lorrains et le gouverneur de Luxembourg. Ensuite, elles sont relevées par les margraves de Bade au début du XVIe siècle, au moment de la reconstruction de la forteresse luxembourgeoise. On reconstruit la forteresse et obligatoirement on reconstruit l'enceinte urbaine parce qu'elle est complémentaire à la forteresse. C'est une double protection. Pour comparaison, le rempart urbain de Sierck fut érigé vers 1295, donc au fin XIIIe siècle, sous le duc Ferry III, puis agrandi avec le faubourg sud durant la deuxième moitié du XIVe siècle. Donc là, j'ai mis une reproduction des archives du XVIIIe siècle de la ville de Sierck, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a, qui est un bourg à peu près semblable par rapport à Ronmac. Ils ont un peu les mêmes vécus, hein, sauf que bon, une est Ronmac est bourg luxembourgeois, tandis que Sierck est bourg et petite ville lorraine. Alors l'enceinte urbaine, donc j'ai retravaillé sur l'enceinte urbaine parce que bon, il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait sur ce bourg. Il y a très peu d'archives en fait sur RODMAC. On est obligé d'aller les chercher au Luxembourg et elles sont partielles puisque une partie des archives seigneuriales ont été et des franchises de la ville ont été brûlées au début du XVIIIe siècle. L'enceinte urbaine faisait 1130 mètres, comprenant 875 mètres d'enceinte du bourg proprement dit, plus 255 mètres de l'enceinte nord et nord-ouest de la citadelle. Elles sont complémentaires, hein, donc ça fait un grand périmètre, avec une muraille de 2 mètres. Donc on voit sur la photo ici une partie de la muraille qui est restaurée, la muraille du bourg, hein, 2 mètres d'épaisseur, environ 8 à 9 mètres de hauteur à l'origine, avec un chemin de ronde et 6 tours flanquantes actuellement conservées. Sur le flanc nord et le flanc sud-est, on va voir ça sur les cartes après, plus 2 tours restituées de la porte de cirque. Bon, à l'origine, il y avait 12 tours flanquantes probables à la fin de l'époque médiévale, dont 5 sur le flanc nord, 6 sur les flancs sud et sud-est et sud. Et une probable supplémentaire sur le front sud-ouest. Donc ici, on voit le chemin de ronde qui a été refait au XVIIe siècle, qui est restauré aujourd'hui. Les remparts de la forteresse dominent le bourg, de 15 à 20 mètres. Ici, vous avez dans le village rue de la Forge, on a la falaise, plus la muraille au-dessus. Donc on a la fosse Bray au-dessus qui domine à 15-20 mètres, et puis les murailles à 30 mètres au niveau de la rue. Sur le pâté d'artillerie, on a plutôt 18-20 mètres de hauteur. Il est probable que les deux portes du bourg ainsi que la muraille de l'enceinte aient bénéficié également d'améliorations durant la réfection de la forteresse au début du XVIe siècle, mais les transformations des accès du bourg de type barbacane ou autre chicane et fossés complémentaires ont certainement été effacés, notamment par le comblement des fossés et la suppression des ponts au droit des portes. Donc ici, vous avez la porte de Sierck qui a été endommagée en 1945 ou 44, je ne sais plus exactement. Ça a été restitué, toute cette partie-là. Hein. Elle avait été bombardée par des chars américains parce qu'ils ne pouvaient pas passer leurs chars à travers la porte. Bon, la porte de Thionville est également détruite de manière plus précoce pour faciliter l'entrée depuis Thionville dans l'entrée du bourg. Donc ces deux portes, elles formaient en fait l'axe du bourg. Il n'y a que 2 entrées au château. Donc un plan en 1746 nous les montre. Ici, on a la porte de Thionville et ici la porte de Sierck avec ses 2 tours flanquantes. Tandis que la porte de Thionville était plutôt une tour carrée. Les Luxembourgeois avaient plutôt la tendance de mettre des tours carrées à l'entrée de leur château et de leur bourg et de leur ville. Il n'y a qu'au fin 15e ou 16e siècle qu'on rajoute des tours, des doubles tours jumelles, des tours jumelles, on appelle ça, flanquantes. J'ai réinterprété ces anciens plans. Donc ici, on a le plan de 1746, avec l'habitat répertorié. J'ai reporté également les découvertes archéologiques, ça permet de remettre en place un petit peu le cadre spatial de tous ces éléments. Donc on retrouve ici la porte de Thionville, la porte de Sierck, la citadelle en forme d'amande avec son fossé. Cette grande fortification a un plan en amande, c'est pas très courant. On a souvent des plans triangulaires ou des plans rectangulaires. Je vous montrerai des plans d'autres bourgs lorrains ou luxembourgeois en comparaison. On avait des jardins de l'autre côté du ruisseau, avec les moulins ici de ce côté-là, des chapelles extérieures, la paroisse Saint-Nicolas, donc des sources importantes ici, qui sortaient au pied du château, qui ont certainement focalisé l'installation médiévale au pied du château médiéval ici. Donc des quartiers avec des jardins. J'ai mis en jaune ici les jardins à l'extérieur des maisons. Donc un peu comme Vic-sur-Seille, par exemple, aussi, on a de l'habitat qui est très lâche à l'intérieur de la ville. Et on a énormément de jardins et de vergers qui sont inclus dans l'enceinte urbaine. C'est une des caractéristiques des villes médiévales, c'est qu'on prend des territoires très au large pour avoir éventuellement des jardins à l'intérieur. Mais les jardins principaux sont quand même sur l'extérieur, dans des terres plus fertiles. Ici, on a l'évolution du parcellaire et de l'habitat. au XVIIIe siècle, donc un habitat un peu plus dense. Le plan du cadastre du début du XXe siècle et ceux du XVIIIe siècle montrent une agglomération morphologiquement et topographiquement très dépendante de la forteresse. L'enceinte urbaine est dans la continuité de celle de la forteresse qui la protège du point dominant du plateau, du côté nord-ouest, sur 255 à 290 mètres de long. L'enceinte urbaine protège quant à elle le bourg sur les flancs sud, sud-est et nord-est, sur 875 mètres de long, l'ensemble formant un plan en amande qui longe le ruisseau de Folbar en fond de vallée, soit un périmètre enclos de 1130 mètres contenant environ 7 hectares 5. Donc il y a 1,5 hectare de forteresse, 6 hectares de bourg, habitat et jardin compris. L'étude morphologique des îlots anciens et de l'habitat représenté au milieu du XVIIIe siècle, corrélée à l'étude archéologique de l'évolution spatiale de la forteresse et à la recherche d'anomalies dans la topographie historique du bourg, permettent de proposer une hypothèse d'évolution spatiale du bourg durant la période médiévale. Donc on en revient au plan, le fond de plan, ça va être le plan du cadastre napoléonien sur lequel on a réajusté les informations qu'on retrouve au milieu du XVIIIe siècle sur les plans des projets de la citadelle de 1746, par exemple. Donc on peut déterminer différents secteurs bien individualisés qui se découpent en fait par des anomalies présentes dans le prolongement, si vous voulez, des fossés du château. On a le fossé en fer à cheval. Le fossé, à l'origine, à la période médiévale, il n'aboutissait pas dans le village directement comme ça. Il devait se prolonger pour évacuer les eaux contenues dans ce fossé, les eaux d'écoulement. Et on a un peu la même chose ici. On a un ruisseau qu'on a repéré dans la fouille qui a été canalisé au XVIe siècle, qui traverse le village, cette partie de la ville ici, de ce côté-là, et qui reprend l'ancien ruisseau qui traversait la rue principale du village au XVIIe, XVIIIe siècle. Ensuite, on a une trame urbaine qui est beaucoup plus dense autour de la paroisse Saint-Nicolas, et on a des secteurs différents, plus lâches, suivant les différentes zones d'habitat. Donc on peut distinguer un espace carré de plus d'un hectare autour de l'église Saint-Nicolas pouvant correspondre à un clos paroissial primitif. On trouve ces clos paroissiaux un peu partout, comme à Fénétrange par exemple, situé dans le secteur nord-est du bourg. Bon, le nord est ici. Il donne sur le chemin de Sierck, donc le chemin de Sierck il est là, et qui remonte ici vers l'entrée du château. Donc on avait l'axe ancien médiéval qui passait ici. Ensuite, au nord de ce clos, juste au pied d'une possible mais hypothétique motte féodale, reprise dans les fortifications du pâté au XVIe siècle, se remarque un quartier qui semble s'être développé autour de l'ancienne place du château, l'actuelle place Baron Charles de Gargan, autour d'un calvaire encore présent au XVIIIe siècle. Il apparaît comme étant plus tardif, peut-être d'époque Renaissance, parce qu'on a j'ai été visiter des caves ici qui ont l'air fort anciennes. Ce secteur atteint environ un demi-hectare. Un autre secteur, au pied du château médiéval, établi depuis le XIIe siècle ici, depuis la fin du XIIe siècle, on distingue un quartier implanté autour des sources qui sortent au pied des murailles. Il pourrait s'agir d'une ancienne basse-cour. Elle semble s'être développée jusqu'au ruisseau, donc on a un ruisseau ici. Elle constitue un des deux cœurs anciens du bourg, avec le clos paroissial qui le borde au nord. Sa superficie est de plus d'un hectare pour la partie la plus densément bâtie, donc ici, et de presque 2 hectares jusqu'au ruisseau, donc si on rallonge cette partie-là. Un grand espace d'un demi-hectare a été occupé depuis le XVIe siècle par la maison des baillis. Ici, on a la maison des baillis, c'est une maison qui a été créée au XVIe siècle par les seigneurs de Rodemack, qui n'étaient pas toujours présents dans leur château, dans leur possession seigneuriale de Rodemack au XVIe et XVIIe siècle. Vu les conflits qu'il y avait, ils étaient plutôt au Luxembourg ou à Bruxelles, ou à Baden-Baden, dans leur seigneurie d'origine familiale, en Alsace. Enfin, non, pas en Alsace, dans la vallée du Rhin. Au sud-ouest du château, le long de la rue du Luxembourg et de Thionville, on peut isoler un quartier conçu comme un village-rue, donc il y a des habitats de chaque côté de la rue, qui semble s'être développé le long de cette artère principale à l'ouest du quartier précédent. Il est formé comme un faubourg médiéval sud-ouest qui aurait été intégré dans une grande enceinte urbaine tardivement. Ce secteur atteint environ 0,80 hectares. Donc on a une hypothèse, j'émets l'hypothèse qu'il y a eu une première enceinte urbaine qui englobe cette partie ancienne, le clos primitif, le clos paroissial, plus une possible basse-cour, qui donnait un plan peut-être de cette forme-là. Ensuite, on a un premier faubourg qui aurait été intégré plus tardivement, fin 14e, 15e siècle, possible. On manque d'informations dans les archives à ce sujet. Et enfin, au sud, on a ce deuxième secteur. À l'est du bourg, donnant sur la porte de Sierck et dans le prolongement de l'enclos paroissial, on peut également isoler un quartier de densité moindre qui semble s'être développé autour de cette porte orientale donnant vers l'aval du ruisseau et vers la vallée de la Moselle. Il est formé comme un faubourg médiéval est qui aurait été intégré tardivement aussi. Ce secteur atteint 0,70 hectares. Bon, tout ça, c'est basé quand même sur des hypothèses de repartition spatiale de l'habitat au XVIIIe siècle. Hein. J'en conviens bien, mais il y a quand même quelques anomalies anciennes qui peuvent rester à travers la trame urbaine, à travers les ruisseaux anciens qui traversent le secteur. Notamment ici, on a un ruisseau qui, à l'origine, est court-circuité par les fossés ici et qui pouvait rejoindre le ruisseau de Folbar sur ce niveau-là, dans ce secteur ici. Il a pu être court-circuité et les fossés auraient pu être recreusés et redéveloppé sur la porte de Sierck de ce côté. Donc j'en reviens au bourg et à l'habitat intramuros. L'aspect actuel du bourg intramuros, voilà. Donc les maisons sont accolées. Il s'agit d'un habitat ancien avec des rues et des ruelles étroites dont certains n'ont pas été élargies au XVIIe, XVIIIe siècle. Des toutes petites places, peu de constructions postérieures au XIXe. C'est ce qui fait le charme de Rodemack. On dit toujours les fêtes médiévales de Rodemack, mais en fait, il n'y a plus grand-chose de médiéval, à part la structure médiévale de Rodemack. Quelques rares maisons millésimées du XVIe siècle sont plus nombreuses pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc là, on a une vue panoramique vue de la citadelle, de ce bourg étroit. Donc voilà ces maisons qu'on voit ici. Certaines sont millésimées encore, 1555, voilà. 1690, 1754, voilà. 1648, donc là, c'est la maison des baillis qui a été refaite au XVIIe siècle. Mais on sait qu'en 1791, un grand incendie détruisit 53 maisons qui avaient une couverture en chaume, 10 granges, 27 écuries et 5 tanneries. Donc là aussi, c'est... Il y a donc un passif difficile pour Rodemack. Il y a eu beaucoup de destruction. En comparaison, on a ici Rodemack. J'ai repris en fait le travail qu'on avait fait pour le PCR enceinte médiévale, où on avait donc des fonds de cartes. Donc on avait reporté au 25 millième les enceintes, les quartiers intramuros et les forteresses et les châteaux. Donc ici, on a Rodemack, comparé à Sierck, comparé à Thionville, Echternach, donc une ville luxembourgeoise qui est importante pour Rodemack. Diekirch aussi, une ville luxembourgeoise. Fénétrange, Sarrebourg, un peu plus grand. Sarreguemines, Longeville, donc là, Saint-Avold, je veux dire. Là, on a donc des villes. Vous voyez là, Echternach, c'est une ville religieuse avec une abbatiale. Donc là, c'est une plus grande ville. Vic-sur-Seille, c'est pareil, c'est une ville de l'évêque, donc c'est une plus grande ville avec plus de moyens pour mettre des enceintes importantes. Oui. Donc voilà des surfaces qui vous donnent donc des périmètres. Les petites villes font à peu près 10 hectares. On s'aperçoit qu'elles font à peu près 500 mètres de long sur 200 mètres de côté. Donc les grandes villes ont un périmètre beaucoup plus important et on atteint... des surfaces beaucoup plus importantes. Alors, dans les opportunités de développement de Rodemack, on a la puissance et la richesse acquises par les seigneurs depuis le XIIIe siècle auprès des comtes et des ducs de Luxembourg. le chef-lieu de, que c'était un chef-lieu de seigneurie d'une contrée d'une vingtaine de villages, en alliance avec d'autres puissantes seigneuries. Le château médiéval était devenu une forteresse de premier ordre au XVe et au XVIe siècle. Le bourg castral était sous haute protection du château, dominant topographiquement la vallée, représentant un refuge de sûreté pour les biens et les personnes. On avait également la présence d'un nombre relativement important d'artisans en relation avec les tanneries, les cordonneries, le tissage de lin, les commerces de bestiaux. On a les traces d'une foire et de marché et d'une franchise urbaine au XVe siècle. On a également des faits naturels, si vous voulez. Le territoire était fertile. On a un banc important. Il y avait la présence de l'eau. C'était un carrefour important. Par contre, on a eu également de très importantes contraintes de développement, avec un passé guerrier militaire entraînant des destructions régulières des biens et des populations, une agglomération qui a été concurrencée par d'autres mieux placés pour le commerce, comme Thionville et Sierck, un bourg trop proche de la capitale du comté-duché de Luxembourg et de Thionville, qui était chef-lieu du Luxembourg français mosellan, l'absence d'installation de communautés religieuses ou hospitalières, comme des prieurés, des couvents, des hospices, et un bourg de citadelle frontalière de second rang, absorbé tardivement par la France et toujours en première ligne dans les conflits franco-luxembourgeois et impériaux. Donc, durant l'époque moderne, Rodemack est resté foncièrement un bourg de garnison militaire d'appoint dans l'ombre de Thionville, avec la place forte majeure, qui était la place forte majeure. Rodemack a été limité par son développement, par les destructions successives durant plus de 300 ans. Le passé guerrier, les événements militaires et politiques européens d'autrefois ont finalement limité l'expansion urbaine de ce bourg castral au XIXe et au XXe siècle. Néanmoins, aujourd'hui, ce bourg rural est devenu économiquement la banlieue rurale de Luxembourgville et profite de son statut d'agglomération frontalière qui est à présent un atout. Je vous remercie.